Liquéfaction. Il ne me restait plus que 60 km sur les 6000 depuis Dakar. En arrivant à Selbé, je pus constater que les rapports entre les habitants et moi avaient changé. Ils avaient tous entendu parler de mes exploits face aux militaires camerounais. Les méfiants ne l'étaient plus. J'étais accepté et plus besoin de négocier les prix. Avec l'expérience de ces 3 derniers mois, moi aussi je comprenais mieux ce qu'ils vivaient. Je me sentais également en sécurité de par la solidarité. Je baignais maintenant dans la fraternité humaine face à l'oppresseur administratif, institutionnel, colonial. Ici, plus de frontières, j'avais retrouvé ma liberté. La liberté. En arrivant dans le village du Bonpré, 30 kilomètres plus loin, son docteur décida de me montrer un raccourci pour retourner à la fonderie. Nous nous séparâmes au village du Mont Oyen, après avoir reçu un accueil courtois de la part de son chef et doyen. J'arrivai à la nuit au campement. Toutes mes affaires étaient là. Une hutte complètement isolée dans la jungle, sans surveillance pendant 4 mois, avec une porte en paille, une fortune en matériel, équivalent à plusieurs années de travail pour un autochtone, et il ne manquait rien. Le lendemain, mon retour au village de la vallée aux épinards fut très joyeux. Les langues se déliaient. Je leur racontais la prison. Eux me racontaient les nouvelles magouilles policières et les dernières histoires du coin. Certains avaient pris des paris sur mon retour, mais les perdants ne m'en voulaient pas. Trêve de bavardage. La prochaine étape est de déménager le campement. C'était début septembre. Aucune armée, fût-elle équipée des dernières technologies, ne pouvait venir me chercher avant 2 mois. Cela me laissait le temps de trouver un nouvel emplacement. Maintenant, je connaissais bien les politiques locales et je savais qu'en construisant la fonderie de l'autre côté de la rivière, je changeais de royaume. De plus, je n'avais plus la contrainte de rester proche de la frontière. En explorant les environs, je trouvais l'endroit parfait à quelques kilomètres en aval. Il y avait un rétrécissement de la rivière avec un courant rapide et une magnifique vue sur le volcan. Aucun chemin d'accès car juste après, la rivière s'enfonce dans un canyon abrupt. Cette fois-ci, je décidai de participer pleinement à la construction de ma future maison avec un défrichage et un soubassement réalisés par mes soins. Je détruisis ma première hutte pour en récupérer les poutres. Pour économiser du portage, j'attachai les poutres et les bois ensemble. Les autochtones n'avaient jamais fait ça, mais pour moi ce fut un plaisir. En tant que moniteur de canoë-kayak, ce n'était pas quelque rapide qui allait me faire peur. Je mis à l'eau ce radeau et descendis la rivière jusqu'à mon nouveau domaine. Là, c'est l'imam et les cadets de ses 6 fils qui s'occupèrent du remontage et de la couverture en paille. Fin octobre, j'emménageais. Tout de suite après, je suis tombé malade et je n'ai jamais autant souffert de ma vie. J'ai bien cru que j'allais mourir et finir mangé par les charognards. Quand une personne meurt seule dans la jungle, en 2 jours, son corps disparaît. Os y compris. Les éboueurs, hyènes, vautours, phacochères, mouches, fourmis, bactéries sont très efficaces. Je potassais le quid, encyclopédie thématique, pour mettre un nom sur mes maux. Tous mes symptômes correspondaient au choléra, c'est-à-dire vomissements, déshydratation, diarrhée, fatigue extrême, etc. Il était marqué que pour y survivre, il fallait beaucoup s'hydrater. Donc je buvais autant que je pouvais, mais immanquablement après quelques heures, les vomissements réapparaissaient. Pendant des heures, mon estomac se contractait pour faire sortir ce qui n'était que des petites gouttes jaunâtres de bile. Vomir une fois, c'est déjà dur, mais en continu pendant plusieurs heures, c'est le top en matière de douleur. C'était toujours au moment où j'allais m'étouffer et tomber dans les pommes que les spasmes s'arrêtaient. Je buvais, puis quelques heures après, nouvelle séance de vomissement. Mes selles étaient devenues de l'eau et plus rien ne sortait par la vessie. Je savais que personne n'allait me rendre visite ou passer par là. J'étais plus loin que le bout du monde. Au bout de 5 jours, je décidai de traverser la rivière et de rejoindre le village pour demander de l'aide. Après 3 heures de marche, j'arrive dans le village de la vallée aux épinards, quasiment vide. Tous ses habitants étaient partis s'occuper des récoltes. L'enfant d'Amadou, 10 ans, m'offre un thé et du pain. Tout de suite, je me suis senti mieux. Je lui ai ensuite demandé de faire la commission à Karim de venir me voir demain, et je suis retournée au campement. Les douleurs reprirent sur la route du retour. Quand le lendemain, Karim me vit à côté de mes 10 litres de gerbe et à moitié mort dans mon lit, il partit directement à la lance de Samba pour me chercher des médicaments. Les 4 jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. À la fin, j'étais trop faible pour sortir chier dehors. Un jour de plus et je chiais dans mon lit. Je n'avais rien mangé depuis 11 jours et quand Karim revint avec les médicaments, j'avais faim. Surtout, ne pas manger directement quelque chose de solide, sinon c'est direct la mort. C'est pourquoi les femmes du village m'avaient préparé de la bouillie. Je l'absorbais avec un traitement antibiotique à 5 grammes par jour. Mon rétablissement fut spectaculaire. En 10 jours, je marchais et remangeais normalement. Au niveau boisson, c'était Fanta Orange, car avec le Coca-Cola, ce sont les meilleurs anti-vomitifs d'Afrique grâce à tous les conservateurs ajoutés. Ce n'était pas le choléra, mais un mal bien plus original que je n'identifierai qu'un an plus tard. 3 semaines après, je retournais téléphoner côté Nigeria pour donner et prendre des nouvelles. Mes 2800 euros initiaux étant presque terminés, pendant les 2 ans qui suivirent, je retournais 4 fois au Nigeria, notamment pour emprunter au total 1500 euros à ma famille. Abordons le sujet des jeunes femmes croisées lors de ces trajets. Les femmes Peul Fulbe ont la réputation d'être les plus belles d'Afrique. C'est faux. D'après mon expérience et n'en déplaise à certaines, physiquement, c'est les plus belles du monde. L'explication en est simple. Elles n'ont pas été levées sur un canapé. Dès leur enfance, le matin, elles courent pour assembler les troupeaux. Ensuite, séance de pilage de maïs, puis tressage de cheveux pendant l'après-midi. Et le soir, à nouveau, rassemblement des troupeaux. Cela, 365 jours par an. C'est des sprinteuses, 100% bio, grandes, fines, très musclées, pieds nus, un corps drapé dans une seule pièce de tissu, un visage fin, de longues tresses et des yeux pétillants de liberté. Elles me draguaient quand je traversais le domaine de leur famille. Elles, entre 13 et 18 ans, s'arrangeaient pour être seules et se poster au détour d'un chemin. Quand elles me voyaient arriver, elles me faisaient des gestes et des scènes qui, visuellement, ne pouvaient pas laisser à interprétation. Des trucs à faire rougir une prostituée. Elles laissaient toujours une vingtaine de mètres entre elles et moi. Quand j'étais dangereusement proche, elles me lançaient des regards explicites et m'invitaient à la poursuivre en trottinant vers la brousse. C'est dur, mais il faut garder raison, car à chaque fois, j'étais à un doigt de faire une bêtise. Premièrement, même sans la fatigue des dizaines de kilomètres à pied déjà faits, jamais mes jambes ne pourraient la rattraper. Deuxièmement, elle a beaucoup de frères qui ont la même morphologie et qui, en plus d'être des bergers, sont aussi d'excellents bouchers. Troisièmement, si cette sirène m'éloigne de mon chemin, je pourrais facilement passer le reste de ma vie à errer dans la jungle. Quatrièmement, je suis venu pour construire un haut fourneau. Voilà les grandes raisons qui me faisaient baisser les yeux et poursuivre ma route un peu plus alourdie d'une frustration éternelle. Analysons la situation avec sang-froid. Elles rencontrent un nombre très limité d'hommes et elles doivent trouver un mari avant 20 ans, sinon elles seront mariées par leur père. Attention, cela ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas divorcer après. De ce que l'on m'en a dit, et j'ai vu effectivement l'homme payer une forte dot au père de la fille avec qui il veut se marier. En plus, il doit garantir qu'il a une maison individuelle pour elle, l'homme dormant dans une maison à part, et qu'il a les moyens de fonder une famille, champ, troupeau. Ensuite, la dot n'appartiendra au père que si le mari a une relation sexuelle avec sa femme. Cela peut être plusieurs années après le mariage. Cependant, et même après, à la moindre relation sexuelle forcée ou violence, une femme peut retourner chez ses parents. Dans ce cas, le divorce est acquis et défendu par la tradition. Dans mon cas, je représentais pour elle une bonne opportunité et le fantasme d'une vie facile en Europe. Je ne me faisais pas d'illusions sur leurs intentions. Il n'empêche que les tentations étaient grandes. Paradoxalement, quand je pense à elles et à eux, une grande tristesse m'envahit quant à leur avenir. Pour l'illustrer, voilà leur perspective. Nous sommes dans un petit village d'Afrique. Une fille et un garçon ont grandi ensemble. Depuis le début, le garçon rêve de se marier avec la fille. Elle le sait, et cela la rend forte. Maintenant, elle est adolescente, elle s'aperçoit du pouvoir de ses charmes sur les autres hommes. Lui, il travaille dur dans les champs pour un jour pouvoir payer la dot. Elle, elle vend des cacahuètes lors des jours de marché et arrive à avoir 2 euros de bénéfice par mois, 30 jours. Un jour, elle rentre dans un restaurant où un douanier est assis. Il gagne 2000 euros par mois. Il lui tend 50 euros pour qu'elle le suive dans une case voisine. Pour elle, cela représente presque un an de travail et la moitié de sa dot. Elle accepte. Pour 50 euros, il va lui faire subir le pire. En sortant de la case, avec des larmes dans les yeux, elle croise le regard de celui qu'il aimait depuis toujours. Avec ses 50 euros, elle va faire la princesse pendant quelque temps. Puis quand elle aura tout dépensé, elle ira s'asseoir au restaurant. Puis elle suivra l'argent jusque dans les grandes villes. Le garçon cultivera une haine des fonctionnaires et s'achètera une arme avec l'argent de la dot. Elle mourra d'overdose, de n'être plus considérée que comme un objet, et lui mourra d'une attaque que les médias occidentaux qualifieront de terroriste. Nous sommes dans un petit village d'Afrique. Un garçon et une fille ont grandi ensemble. Depuis le début, la fille rêve de se marier avec le garçon. Il le sait, et cela le rend fort. Maintenant, il est adolescent et commence à parler avec ses copains de richesse et d'Europe ou de Gabon. Elle, elle fantasme. Il est intelligent, fort et entreprenant. Lui, il gagne une misère, 10 euros par mois, avec le travail des champs et des troupeaux. Cela lui est insupportable. Un jour excédé, il prend ses économies et part. Il disparaîtra à tout jamais. Elle l'attendra quelques années, puis face à la pénurie d'hommes, avant de mourir vers 50 ans, elle deviendra la deuxième, troisième ou quatrième épouse d'un homme qui lui fera 4 ou 5 enfants. La prochaine génération de filles et de garçons. Ils n'auront pas un meilleur avenir. Ils, elles, partent chercher l'argent. Or, il y a des trésors sous leurs pieds. Pour les faire sortir, la seule solution, construire des hauts fourneaux organisés de façon anarchique, sans chef, pour répartir la richesse en fonction du travail et de la capacité de chacun à générer de la vie. Oui, c'est possible. Cela a déjà fonctionné. Et tous les raisonnements scientifiques actuels montrent que c'est rentable, en vie. Inversement, le capitalisme est et restera logiquement déficitaire en vie. Au boulot, au bout la vie. J'allais au village une fois par semaine. Ce jour-là, j'avais décidé d'améliorer un sentier, principalement utilisé par des animaux. Je consacrais donc 4 heures par semaine à faire un chemin entre le nouveau lieu de la fonderie et le village. Mon but étant de faire une route praticable en moto. Pour ce faire, je construisis 2 ponts, coupai 27 arbres, en brûlai 3, déplaçai des milliers de cailloux et de rochers. Au bout d'un an, le chemin était fait. Cependant, lors de ces travaux, je découvris une chose extraordinaire. Il y avait eu une route qui avait déjà relié la fonderie au village. Des bas-côtés avaient déjà été travaillés et dans les portions de forêt dense, on pouvait faire un chemin en ligne droite sans tomber sur de gros arbres. Ce fut le point de départ d'une longue enquête qui commença par l'interrogation des villageois. Ils m'apprirent que partout dans le parc Gachaka, il y avait des traces d'anciens villages et un très grand réseau d'anciennes routes abandonnées. La première question à laquelle je pus répondre rapidement, depuis combien de temps ces habitants avaient-ils disparu? C'est assez facile à déterminer en fonction de la taille des troncs sur l'ancienne route et sachant la vitesse à laquelle ils grossissent. D'après mes observations, ils ont tous disparu il y a 100 ans. Cette enquête connaîtra plusieurs rebondissements. En ce qui concerne la construction du haut fourneau, j'essayais d'impliquer au maximum mes voisins pour qu'ils sachent le reproduire. Ce n'était pas gratuit, je l'ai payé 500 francs CFA, 75 centimes d'euros l'heure. Mais pour certains travaux, ce n'était pas désintéressé de ma part. Par exemple, pour construire des ponts, 6 mètres de long, il fallait être une dizaine de costauds à cause du poids des troncs. La naissance d'un haut fourneau commence par le terrassement, puis les fondations. Le terrassement me prit le mois de novembre. J'en profitais également pour débroussailler. Néanmoins, rien n'est perdu car tous les arbres coupés deviendront du charbon de bois. J'avais donc dégagé le bord de la rivière, lieu où le four sera installé. À cette époque de l'année, c'était à 8 mètres au-dessus du niveau de l'eau, sur une petite falaise. La berge était constituée de roches très dures, surmontées de 1,50 m de terre. Le poids estimé de la future construction était de 50 tonnes, donc pas question de la faire reposer sur de la terre. Surtout que les crues arrivaient fréquemment au niveau de celle-ci et la transformaient en boue. Il fallait donc creuser pour faire reposer les fondations directement sur la roche. Un mois de travail pour dégager 40 mètres cubes de terre. Mais ce ne fut pas le plus éprouvant, car il fallut ensuite remplir cet espace avec des pierres. Leur taille et leur agencement étaient primordiaux. En contact avec la roche, un premier tapis de grosses pierres rondes, plus de 20 kg, fut posé. Il permettait le rassemblement et l'écoulement des eaux vers la rivière. Elles sont surmontées d'un plancher de très gros troncs durs, garanti 10 ans par les autochtones. Ensuite, le reste du trou est comblé par des pierres rondes permettant deux choses. À la fois l'évacuation de la chaleur issue de la cuve ou son refroidissement, mais aussi l'écoulement rapide des eaux de pluie. Une nappe d'eau stagnant à ce niveau pourrait faire exploser le four par la pression de la vapeur. Sachant que l'eau bout à 100 degrés et que la cuve est à 1500 degrés Celsius, tout l'enjeu des fondations est de faire une structure supportant le poids et permettant à la chaleur de sortir sans rencontrer d'eau confinée. Les cailloux ronds étaient à 300 mètres aller-retour. Avec une brouette artisanale et 5 mois de travail, j'arrivais au niveau zéro du sol. Mieux vaut prendre le temps de partir sur une bonne base. Mais je ne passais pas ma journée à faire les soubassements. C'était le travail du matin, quand il ne faisait pas encore trop chaud. Le reste du temps productif était alloué à deux choses, à la reconstruction d'un nouveau four d'essai et à la fabrication de grands soufflets, permettant l'injection d'air. En plus, je charbonnais. C'est-à-dire que je transformais du bois en charbon. C'est un art difficile et très fatigant, car en plus de la coupe du bois, de son arrangement en tas, il faut surveiller la cuisson pendant 5 jours. Donc, lever toutes les 2 heures pour vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la meule, car si l'air venait à rentrer dans ce monticule recouvert de terre, une flamme de plusieurs mètres de haut s'élèverait et transformerait en quelques minutes le tout en cendres. Stressant le boulot. En avril, le four d'essai était opérationnel, mais les premiers tests, bien que peu concluants, me permirent de déterminer la terre qui supportait le mieux la chaleur. Coup de chance, elle n'était pas loin, à 30 mètres du futur grand four, à côté de ma maison en paille. C'était une sorte d'argile blanc jaunâtre que les termites avaient remontée du sol. Ces petites bêtes avaient trié et sélectionné cette terre. Ce tas de plusieurs mètres était le résultat d'au moins 100 ans de travail. J'espère qu'elles ne m'en tiendront pas à rancune. C'est donc avec le toit de la maison de mes voisines les termites que nous fabriquâmes les briques du grand four. Je dis nous, car je payais des personnes du village pour qu'elles viennent fabriquer ces briques. Au total, 2800 blocs de 26 sur 15 sur 15 cm, taille d'un parpaing environ. Alors que les jeunes étaient en train de dégager une surface pour entreposer les blocs, ils découvrirent des cailloux fondus, des scories. Quelques minutes après, ils crièrent pour que je vienne voir leur nouvelle découverte. Jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais trouver du minerai de fer. Cela faisait 1 an et demi que j'étais ici pour construire un four, sans vraiment savoir si je pourrais l'alimenter. À mon arrivée, j'avais constaté qu'il n'y avait pas de pierre rouge. Alors le doute avait été semé. Il avait poussé et grandi jusqu'à devenir un arbre, type baobab. Quand ils me montrèrent ce qu'il y avait sur le sol, crac, hi, boum, le doute fut déraciné. J'avais installé mon haut fourneau à 30 mètres d'un ancien bas fourneau. Je ne serais pas le premier à faire du fer ici. Mais de fait, il y avait du minerai quelque part. Cette découverte me débloqua sur plusieurs points et me motiva à savoir ce qu'étaient devenus mes prédécesseurs. Exterminés ? Premièrement, il fallait que je trouve où nos ancêtres avaient creusé. Comme ils avaient moins de contraintes de localisation que moi, donc cela ne devait pas être loin. Effectivement, en observant le paysage, je remarquai un petit vallon qui ne pouvait pas avoir été creusé par le ruissellement. En y allant, je vis des veines noires grises dans la roche, et en posant un aimant dessus, il resta collé. Puis, après avoir compris que je ne cherchais pas les bonnes pierres et avoir bouquiné un peu plus, j'allais de découverte en découverte. Le minerai que transformaient nos anciens était du fer pur, mais l'oxyde de fer utilisé dans le haut fourneau pouvait prendre d'autres couleurs que rouge. Avant de devenir rouge rouille, le minerai de fer passe par des étapes noir, gris, bleu, vert, jaune, orange, et il peut même se trouver sous forme de cristaux. Des petites promenades dans les montagnes me permirent d'estimer qu'il y avait au moins plusieurs centaines de milliers de tonnes de réserves de minerais, et ce, à moins d'un kilomètre du futur haut fourneau. De quoi le faire fonctionner à plein régime pendant plusieurs générations. Grand soulagement et grande joie, car il y avait encore mieux. Un jour, très fortuitement, je laisse tomber un aimant par terre. En le ramassant, je m'aperçois que plein de petits cailloux restent collés, et surtout des petites paillettes noires argentées bleues. J'avais déjà vu ces paillettes quand j'allais chercher de l'eau à la rivière ou en faisant la vaisselle. Je pars en l'embouchure du ruisseau et je trempe l'aimant dans les serpentins noirâtres. Mon aimant ressort recouvert de limaille de fer. Donc il y avait aussi des milliers de tonnes de fer dans le sable, et pas n'importe quel fer. Face à moi, il y avait un volcan, et selon les informations que j'avais, un fer qui ne s'oxyde pas, reste noir dans l'eau, et qui est sur une petite pente volcanique, est associé à du titane. Fer plus titane donne l'un des métaux les plus durs au monde. Super bien placé pour un changement de civilisation. La prospérité nous tendait les bras. En mai, la saison des pluies arrivait. Je commençais les murs du four avec de grosses pierres plates. Elles étaient extraites à quelques mètres, directement dans la falaise en dessous du four. C'est un empilage sans ciment qui laisse le froid entrer, car à ce niveau, il faut évacuer la chaleur pour qu'elle ne fasse pas fondre la cuve. C'est de la cuisine à haute température, avec une casserole en pierre, dans laquelle le métal va s'accumuler après avoir traversé une passoire de charbon en feu. Entre les averses, je m'occupais de tailler les pierres de cette cuve. Elles provenaient de rochers blancs, de petits cristaux de quartz en silicium. Le quartz étant une pierre qui supporte de très hautes températures, plus de 2000 degrés Celsius, tailleur de pierre fut encore un autre métier que je dus maîtriser. C'est aussi un art long, au cours duquel la moindre erreur anéantit des heures de travail. Quand la pluie tombait, je me réfugiais dans mon atelier où les occupations ne manquaient pas. Entre la taille des briques pour les arches d'entrée, le pilage de quartz pour les jointures et les machines soufflantes géantes pour faire rentrer l'air, mes journées étaient bien remplies. J'étais heureux. Le four grandissait et je vivais en symbiose avec la nature. Je la transformais sans la détruire. Par exemple, je luttais contre mes parasites en m'entourant des prédateurs de ceux-ci. Les araignées, les lézards, les serpents étaient les bienvenus. Sur ce point, deux choses étonnantes. J'avais construit ma maison sur une fourmilière, mais pas avec n'importe quelle fourmi, les plus grosses du règne animal. Tellement grosses qu'elles n'arrivaient pas à monter sur le bois, et notamment sur mon lit. Trop lourdes pour pouvoir s'agripper, elles vivaient au sol. C'étaient mes ménagères, elles passaient le balai continuellement. Pour ma part, je prenais soin de ne pas les écraser. En échange, elles ramassaient mes détritus, mangeaient les vers et menaient la guerre contre les termites, sans oublier qu'elles étaient les seules à pouvoir faire face à une attaque de fourmis rouges. En 2 ans de vie commune, jamais elles ne m'ont mordu. Pourtant, elles auraient pu me faire très mal avec leurs 3 cm, la taille d'un pouce, et surtout leur mandibule de 7 mm, la taille d'un ongle. Plus étonnant encore, je vivais avec une panthère. Sa litière devait être à quelques centaines de mètres de mon lit. Comme de temps en temps je mangeais de la viande et que je jetais les restes à quelques mètres de ma maison en paille, chaque jour elle avait pris l'habitude de faire un petit tour d'inspection dans l'espoir d'os à briser. Pendant sa ronde, elle en profitait pour tuer quelques rats, ce qui m'arrangeait bien. Mais attention, ce n'est pas un chat. C'est du 60 kg et 2 mètres de long avec la queue. Une nuit, je sortis pour la voir. Au départ, je ne distinguais que ses yeux, Il brillait autant que la lampe torche que je braquai sur elle. J'ai eu du mal à la distinguer, noire sur fond noir. Mais après quelques secondes, quand j'ai vu la taille qu'elle faisait, je fus autant tétanisé par la peur que par la beauté de ce félin. Sans bouger, nous restâmes une éternité l'un face à l'autre et à 3 mètres l'un de l'autre. Puis sans me quitter du regard, elle se mit à avancer lentement à plat ventre vers les hautes herbes. Elle aurait pu me tuer d'un coup de patte, mais si elle ne l'avait pas fait ce jour-là, je sentais qu'elle ne le ferait jamais. Bon, je dormais quand même avec un grand couteau sous l'oreiller. Il faut savoir qu'il n'y a pas de porte à cette maison en paille. Néanmoins, à cause d'elle, une nuit, je fus réveillé par la plus horrible des façons. Le cauchemar des cauchemars. Pire que les fourmis rouges. Tout le monde a déjà entendu le son émis lors d'une bagarre entre des chats. En multipliant la puissance sonore par 10, on a la raison. On a la raison qui m'a fait me retrouver accroupi sur mon lit en tenant ma machette fermement. La panthère était en train de se battre à 2 mètres, de l'autre côté des 10 centimètres du mur en paille. Son adversaire devait être un autre gros animal, lion, panthère, hyène. Mais il me restera inconnu, car je vous avouerai que je ne suis pas sorti. Le bruit était terrible. J'aurais peut-être dû aller la défendre. Par fierté, je ne veux pas dire que je n'ai jamais eu aussi peur, donc pour cacher ma lâcheté sur ce coup, je dirais hypocritement qu'il faut laisser la nature sauvage suivre son cours. Ma voisine a dû gagner sans mon aide, tant mieux vraiment, car le lendemain, elle revint prendre l'apéritif avant de repartir pour sa nuit de chasse. Mis à part ce seul tapage nocturne, nous avons entretenu de bons rapports, une amie. Entre juillet et octobre, personne ne passait par là. Les chemins étant recouverts de hautes herbes, de 3 mètres, elles rendaient la circulation extrêmement difficile, et ce, sans compter les rivières à traverser. Donc il m'arrivait fréquemment de ne voir personne pendant plus de 3 semaines. Mes seules interactions quotidiennes étaient avec les singes qui, eux, se rapprochaient de plus en plus. Mais l'événement marquant de cette fin de saison fut la crue au début septembre. Après plusieurs énormes orages, la rivière Yim monta de 8 mètres. Au centre de la rivière devenue un fleuve marron, un tapis de branches, de troncs et d'arbres flottait à 50 km/h. Heureusement, sur les bords, l'eau montait sans vraiment de courant et glissait sur les fondations du four. Malheureusement, chose que je n'avais pas prévue, c'est que les ponts, malgré leur poids de plus de 5 tonnes, se mirent à flotter. Ils n'étaient pas ancrés au sol. Bilan, les 2 ponts furent détruits. Je n'avais plus le temps de les reconstruire car il me restait 7 mois pour finir et mettre en marche le four. Je ne pouvais pas y arriver seul. Au village, un nouveau était arrivé. Il s'appelait Emmanuel. Il était originaire du Nigeria, à 200 km d'ici. Après avoir été chassé de son village natal, il était allé à Yaoundé, Cameroun, où il avait appris le métier de menuisier et le français. D'autres problèmes l'avaient amené près de Bagno, Cameroun, à 120 km où il fut charpentier dans une exploitation de pierres précieuses. Là-bas, il s'est fait virer à cause de ses problèmes d'alcoolisme. Mon ami, Karim, l'accueillit au village où il l'aidait à la fabrication de lits en planches. J'étais content de pouvoir discuter avec une personne qui parlait le français, l'anglais et le fulbé. Au niveau du travail, il avait du savoir-faire et apporta des techniques qui améliorèrent grandement le mobilier. Cependant, son alcoolisme était persistant, si bien que tout ce qu'il gagnait, il le buvait. Puis il commencera à boire à crédit, ce qui va aboutir à une catastrophe. Mais avant celle-ci, chronologiquement, à la mi-octobre, je retombe malade avec les mêmes symptômes et à la même date qu'un an auparavant. Après 2 séances de vomissements intensifs, cette fois je vais directement au village pour acheter les médicaments et le Fanta. Je rentre à la fonderie où le lendemain, je reçois le berger qui allait faire pâturer ses vaches autour du campement les prochains mois, dit Amadou Tinclair. C'était un ami et il venait tout juste de se marier. Il avait 20 ans et je connaissais bien sa femme car je leur achetais souvent du lait. Je discutais donc avec ce chef de troupeau et tout spécialement de l'herbe que nous allions brûler autour, ainsi que des parcelles que je voulais conserver comme réserve de chaume herbe destinée aux toitures. En gros, où nous allions mettre le feu. Comme à tous mes invités, je lui offris un morceau de crêpe avec un verre d'eau. Quand il porta le verre à sa bouche, il mit sa chemise sur ses lèvres pour boire à travers. Je lui fis comprendre qu'il pouvait verser l'eau dans sa bouche sans que le verre touche ses lèvres. Je commençai à me débrouiller en langue foulbée, bien que les gestes et les mimiques fussent d'une aide nécessaire. Il me dit en foulbée « Non, ne bois pas cette eau ainsi, sinon tu vas avoir très mal au ventre. » Ne lui ayant pas dit que j'avais passé la nuit à vomir, son explication m'intéressait au plus haut point. Il me précisa « Regarde dans l'eau, il y a des particules blanches en suspension, c'est de la cendre. Ce n'est pas une lumière qui s'est allumée, c'est une véritable guirlande qui s'est illuminée. Autour de nous, c'était la période des feux de brousse. Les dernières averses charriaient les cendres jusqu'au ruisseau, et en buvant cette eau, les cendres s'accumulaient dans mon estomac, ainsi que ma vessie et les colmatées. D'où la colique et les vomissements. Mais l'effet le plus frappant était la déshydratation, car l'eau n'arrivait plus à pénétrer dans mon corps. Tout le circuit de digestion était étanche. L'année précédente, ce n'étaient pas les médicaments qui m'avaient soigné. C'était surtout d'avoir bu pendant quelques jours du Fanta, du détergent au parfum orange et la bouillie du village. Jusqu'à cet instant, je pensais avoir eu le choléra avec lequel il faut beaucoup boire pour rester en vie. Mais dans ce cas, plus je buvais, plus je m'empoisonnais. Donc j'ai failli mourir de mon obstination à vouloir vivre. Dans la jungle, la relation entre l'eau et les vomissements est évidente, mais d'imaginer une eau déshydratante, c'est moins logique. Un grand merci à ce berger. Toujours est-il que c'est à cette période, quelques semaines après la visite d'Amadou, qu'Emmanuel est arrivé avec son petit baluchon. Il me demanda s'il pouvait dormir dans la hutte construite pour les travailleurs. J'acceptais. Ce charpentier m'expliquait alors qu'il avait dû fuir le village, car il ne pouvait plus rembourser ses dettes de boissons et de putes. Au village, des personnes avaient effectivement décidé de lui taper dessus pour récupérer leur fric. Il était à la fin des routes, après la fonderie, c'est la jungle. Personne ne pouvait vivre plus loin. C'est le bout de la civilisation. J'ai eu pitié, et ce fut une des plus grandes erreurs de jugement de ma vie. J'aurais dû le laisser se faire bouffer par les lions, mais je lui ai proposé l'arrangement qui suit. Je te nourris, et contre des travaux, je vais payer tes dettes au village. Cela n'était pas prévu ainsi, car j'aurais préféré faire travailler un grand nombre de personnes diverses pour répartir l'argent et surtout le savoir. Au bout de 2 mois de travail, j'étais allé rembourser au village ses dettes les plus urgentes et il pouvait y remettre les pieds. La construction du haut fourneau avançait vite car les arches étaient terminées avec une sortie pour le métal et une entrée pour l'air. La chaleur qui sort d'un four étant extrêmement forte, il est nécessaire de faire 2 accès avec des briques, supportant plus de 1000 degrés Celsius. Ces voûtes ressemblaient aux entrées arrondies des églises, des mosquées ou des châteaux. Le four commençait à être impressionnant. Je recevais plusieurs personnes par semaine qui, pour certaines, avaient fait des centaines de kilomètres. Tous les habitants sur 200 kilomètres à la ronde étaient au courant du projet, officieusement. J'avais d'ailleurs reçu l'assurance de tranquillité des plus hautes autorités traditionnelles. Emmanuel me servait de traducteur pour la présentation, bien que je puisse maintenant la faire en 3 langues différentes, français, anglais et foulfoudé. Je n'avais aucune information sur les événements internationaux, mais Emmanuel, lui, était toujours collé à une petite radio. Pendant 3 mois, il m'informa un peu, notamment sur Boko Haram, via les news en anglais. Cependant, c'était un mythomane. Je m'en suis aperçu très vite. Un exemple soulignant sa vision fantasmatique et son manque de sincérité. La définition de Boko Haram. Soi-disant Boko égale book, égale livre. Et d'après les médias occidentaux, Boko Haram, c'est le refus de l'éducation occidentale. C'était la définition qu'il essayait de m'imposer, pourtant il parlait suffisamment à Oussa pour connaître la vraie définition de Boko, celle des utilisateurs du mot. Mais comme elle ne l'arrangeait pas, il s'est abstenu de m'en faire part. Il connaissait mon opinion sur les méfaits de la colonisation. De par mon passé, et d'autant plus avec lui, je vérifiais systématiquement les informations que l'on me donnait. Pour bien comprendre la problématique sur cette définition, on peut faire un parallèle avec le mot « con ». Un con désigne le sexe de la femme, mais il a un sens figuré beaucoup plus large et largement utilisé. C'est la même chose pour beaucoup. Les bergers itinérants qui venaient de très loin me qualifiaient de personne beaucoup. J'ai donc fait mon enquête auprès de ceux qui sont les plus à même de définir pratiquement ce que veut dire beaucoup. Un beaucoup peut être une personne, policier, marchand, une mentalité, une technique, une éducation, une religion, une politique, une culture. En fait, c'est tout ce qui est issu de l'Occident dans un sens large et péjoratif. Donc, en Afrique, en langue française, cela se traduirait par colon ou colonial ou colonisation. En ce qui concerne le terme « haram », cela veut dire en langue arabe « interdit ». En association, les deux termes « beaucoup plus haram », cela veut donc dire « colon interdit », « colonial interdit » ou « colonisation interdite ». Le mot le plus exact dans la langue de Molière est donc « anticolonial », « Boko Haram » pour les populations alentours. On comprend que cette définition de terrain ait été trafiquée par les médias internationaux. Emmanuel était un boko, communautariste, nationaliste, religieux et très menteur. Autre exemple, il avait fait la promesse de ne plus boire d'alcool, mais dès qu'il a pu trouver un peu d'argent par lui-même, grâce à la cueillette, la pêche et la chasse, j'entendais pendant la nuit les bouchons sauter. Églou, églou, églou. Ensuite, j'ai fait l'erreur de lui accorder un crédit sur des travaux futurs. Il ne réalisera presque rien de ses promesses et le peu qu'il fera sera bâclé. Dès le début, je m'en doutais. Donc ce que je lui avais demandé n'était pas capital pour le four, juste des accessoires. La spécialité de ces psychopathes est d'essayer de coincer l'autre pour en tirer un profit personnel. Il commence les travaux puis s'arrête et demande plus d'argent. D'après moi, la meilleure méthode est de ne pas céder, quitte à ce que cela ne soit jamais fini. Malheureusement, au village, certains et certaines étaient moins aguerris face à ce genre de personnes, et j'ai ma part de responsabilité dans ce qui va se passer. Si je l'avais su, non seulement je ne l'aurais pas aidé, mais je l'aurais sûrement tué sans sommation. En février 2014, le haut fourneau avait une hauteur de 1m30, mais tout était prêt. C'est-à-dire que j'avais le minerai, le charbon, les machines soufflantes, les briques pour la cheminée, etc. Il est remarquable dans mon passé que systématiquement, à chaque fois que j'arrivais au terme d'un projet, les autorités nationales se pointaient pour le faire avorter. Cette fois, je comptais bien les prendre de vitesse sur l'assemblage. Certains indices corroboraient leur arrivée imminente. Premièrement, un hélicoptère survolait la zone. Il était blanc, très gros porteur, type super puma transporteur de troupes. Les informations qui circulaient l'attribuaient à l'ONU faisant l'inspection des frontières. En provenance du Nigeria, il volait à très basse altitude. Je peux confirmer que j'étais bien sur le territoire du Nigeria, car l'hélicoptère passait toujours un peu plus à l'est. Cependant, en mars, lors de son dernier passage, il survola la fonderie à 30 mètres d'altitude et ne revint plus. À partir de cette date, et pendant plus d'un mois, un avion en provenance du Cameroun survola la zone en faisant demi-tour arrivé au bord de l'espace aérien du Nigeria. J'étais installé quelques kilomètres après. Néanmoins, son dernier passage avec appareil photo et caméra, il le fera en passant à 20 mètres au-dessus de la fonderie. Au village, les spéculations allaient bon train et certains pensaient qu'il me cherchait. D'autres pensaient qu'il cherchait les fillettes que Boko Haram avait capturées. D'autres pensaient que c'était pour faire un barrage. Personnellement, je m'étais juré que je ne partirais pas sans avoir fait fonctionner le four. Cette fois, pas de fuite. De toute façon, j'avais tellement mal aux pieds que je ne pouvais plus courir. S'il débarquait, j'avais décidé de me servir de ma machette. De nouvelles modalités de communication à distance avaient été prévues, au cas où ils arriveraient par les chemins. Pour me prévenir, ils tireraient en l'air au fusil à un certain rythme. Une version moderne du tam-tam. Un léger stress renaît au village, mais j'avais la confiance des habitants. Mon impératif, finir avant la saison des pluies. Autant dire que j'étais accaparé par la construction. Malheureusement, je ne me suis pas assez méfié des méfaits d'Emmanuel qui était retourné s'installer au village. Il faut reconnaître qu'il a su tirer avantage de certaines de ses facultés. Au premier abord, il présente bien, beau, marrant, jovial, avenant. Un peu comme mon ami Karim, qui est en tailleur, profitait lui aussi de son charme et de l'orgueil pour vendre ses vêtements. Mais ce couturier trouva son maître en Emmanuel. Surtout que ce pourri avait réussi à entraîner mon ami dans l'alcool. Le problème originel était que la concurrence sur les habits était devenue rude. C'est pourquoi Karim avait diversifié son activité en fabriquant des lits, des chaises, des tables. Il y avait un véritable besoin. Et la finalité était utilitaire, au départ. Il permettait à Emmanuel de se servir de son matériel pour réaliser ses propres produits. Emmanuel, lui, faisait du beau. Petite déco, voix bien polie. Il en tirait beaucoup plus de bénéfices. C'était un expert. Dans l'exploitation de la vanité, et n'en déplaise à certaines, les femmes y étaient trop sensibles. Si bien que posséder une tête de lit avec une sculpture grossière était à la mode. De nombreuses promesses d'achat furent faites, mais très peu furent suivies de commandes fermes, malgré de gros investissements. En quelques mois, Karim fut ruiné. Mais pas que lui. Il y en avait d'autres qui avaient cru en Emmanuel et étaient désormais en difficulté. Malheureusement, les conséquences en furent un peu plus dramatiques. De mon côté, financièrement, il me restait juste assez pour manger pendant 4 mois. Les plus motivés des habitants venaient travailler, maintenant, sur ma seule promesse de leur donner en échange le matériel que je possédais. C'est-à-dire qu'ils m'annonçaient ce qui les intéressait. Machette, pelle, marteau, brouette. Ensuite, on le notait sur un cahier, puis il travaillait en fonction de la valeur estimée. C'est lorsque je partirai, en juin, que le matériel en question leur appartiendrait. Plus qu'une hypothèque, ils travaillaient sur gage. Début avril, le haut fourneau était terminé. 4,50 m de haut, 50 tonnes, 2 soufflets de 2,50 m de long, intérieur entièrement crépi de quartz. Techniquement, une perfection. J'avais compilé le meilleur de plusieurs dizaines de plans de four. Ainsi, celui-ci devait être encore plus performant que le plus performant des fours qui initièrent la révolution industrielle européenne. Après 2 semaines de séchage, je le remplis de charbon et j'y mis le feu. J'espérais en maîtriser la combustion pour achever l'évaporation de l'eau. Je comptais ensuite directement enchaîner par le chargement. Le charbon, en brûlant trop vite à cause de fissures, fit s'emballer la température qui monta trop rapidement. Je perdus un volume de charbon équivalent à la taille du four. Soit 15 mètres cubes, ou autrement dit, un peu plus que le volume de mon ancien fourgon. Je dus changer mon planning. Mais cette erreur de débutant était tout à fait rattrapable. Je me lançai donc dans une campagne de charbonnage intensif. 3 semaines après, j'étais à nouveau prêt pour un nouvel allumage. Cependant, les premières pluies étaient arrivées. Conséquence du réchauffement climatique, elles étaient très violentes. La rivière grossit et emporta le moulin qui aurait dû actionner les soufflets. De toute façon, ce moteur hydraulique n'était pas terminé car c'était un des travaux que j'avais demandé à Emmanuel. Pas très grave. Dans un premier temps, les soufflets seraient mus par l'homme. Pour cela, des contrepoids permettaient d'alléger leur poids et 2 personnes pouvaient les faire fonctionner pendant des heures sans trop d'efforts. Je remplis à nouveau le four de charbon. Mais cette fois-ci, avant de l'allumer, je me rendis au village pour recruter 4 personnes. Quand j'arrivais, le village était quasiment vide. Ils étaient tous partis dans les champs pour creuser les sillons. Cette opération doit être réalisée impérativement aux premières pluies, car la terre devient meuble avec l'eau. Je ressentais un certain malaise, mais je mettais cela sur le compte de la campagne du dénigrement à mon propos. C'est Emmanuel qui l'avait lancé, car il fallait qu'il justifie de sa désertion et du fait qu'il ne finisse pas les travaux promis. Il essayait de faire croire à ses compagnons de boisson, aux putes, aux marchands et aux enfants, que le haut fourneau n'allait pas fonctionner, surtout sans lui. Les personnes qui vivaient de l'exploitation du travail des villageois ne voyaient pas tous la fonderie d'un bon œil et reprenaient les arguments d'Emmanuel. Force est de constater que ce groupe était constitué essentiellement de catholiques, anglophones ou francophones, gros consommateurs d'alcool. Le groupe issu de la culture occidentale, en langue haoussa, les bocaux. Personnellement, cela ne m'importait guère, car la saison des pluies arrivant, ils étaient en train de partir et ils n'allaient rester au village que les autochtones, dont je conservais la confiance. Mais la raison de cet accueil très froid était tout autre. C'est là que j'appris la terrible nouvelle. La fille de Karim était morte. Née 3 semaines auparavant, sa mère n'ayant pas eu de lait et le lait de vache n'étant pas adapté à l'alimentation des nouveau-nés, elles ont dû partir en moto pour trouver du lait de substitution à 60 km. Mais en arrivant, il y avait une pénurie. L'enfant mourut quelques jours après. J'étais sûrement plus choquée que les autres personnes du village, car ici, la mort d'enfant est courante. Depuis mon arrivée, 6 nouveau-nés étaient déjà morts. Mais j'avais tenu celui-ci dans mes bras. Ce jour-là, je ne pus voir Karim pour lui présenter mes condoléances. Il était au champ. Je dus donc faire avec le seul feignant qui était là, Emmanuel. Je lui explique qu'il faudrait que 4 personnes viennent dans 7 jours à la fonderie pour m'aider à faire sortir le métal. Bon, je savais que ce n'était pas le bon interlocuteur. C'est pour cela que je suis revenu le lendemain. Karim était présent et nous discutâmes. La veille, Emmanuel, lui, avait raconté n'importe quoi. Fausse date, fausse raison et fausse rémunération. Je précisais donc à Karim les modalités et que la rémunération était en argent. 10 000 francs CFA, 15 euros, par personne pour une nuit. C'était très bien payé et en gros, c'était tout l'argent qui me restait. Nous discutâmes également de la mort de sa fille. Il avait les yeux rouges, mais c'est la première fois que je sentais des effluves d'alcool dans son haleine. Je savais que la pénurie de lait de substitution n'était pas la vraie raison. C'était le manque de moyens pour en acheter. Il m'avait emprunté de l'argent lors de l'ouverture de son commerce de meubles et il ne m'avait toujours pas remboursé 1 an après. Emmanuel l'avait mis sur la paille. Il n'avait peut-être pas osé m'en emprunter plus, quitte à faire prendre des risques à sa fille. Je rentrais à la fonderie attristée, mais en me disant que lorsqu'il y aura une fonderie, plus de problèmes. Il y aura de la richesse et de quoi l'échanger contre du lait et des compléments alimentaires. Faire fonctionner un haut fourneau, c'est un peu comme faire de la cuisine, mais à une très haute température. Il y a 3 ingrédients, le charbon, le minerai de fer et le fondant. Ils sont placés en couches avec une alternance d'une couche de charbon suivie d'une couche de minerai mélangée au fondant. Les morceaux de charbon ont la taille d'un point, alors que le minerai et le fondant ont la taille d'une noix. Ils sont placés dans une cheminée légèrement pyramidale. En bas de cette cheminée, un rétrécissement brutal à 70 cm du sol fait que le charbon et le minerai ne tombent pas au fond. Ils restent comme en suspension dans l'air. Le principe est exactement le même que lorsqu'on remplit une bouteille avec du gravier et qu'on retourne la bouteille. Les cailloux ne s'écoulent pas et restent bloqués. C'est ainsi qu'est créé un espace vide entre le bas du mélange, charbon plus minerai plus fondant, et le haut de la cuve remplie du métal liquide. C'est à ce niveau que l'air est injecté. L'air va monter et faire brûler les plus basses couches de charbon. Cependant, la quantité d'air est bien contrôlée pour que le feu reste entre 70 et 150 cm de hauteur. Cette partie est appelée le ventre du four. Au-dessus, il n'y aura pas de flamme. Cela sera impossible car tout l'oxygène aura déjà été utilisé en dessous. Donc le charbon au-dessus de 150 cm ne pourra pas brûler, ce qui ne l'empêchera pas d'être réchauffé par les fumées. Dit plus scientifiquement, il s'élèvera en température grâce au flux de chaleur ascendant porté par l'agitation des gaz, monoxyde de carbone plus azote. Cette chaleur est très importante car elle va permettre de faire des économies énormes. D'une part en charbon, car il sera déjà à une très haute température, 1200 degrés Celsius, au moment de son contact avec sa première molécule d'oxygène. D'autre part, cette chaleur montante va sécher les cailloux de minerai, les fissurer et ainsi les préparer à la fusion. C'est pourquoi lorsque cette mixture charbon plus minerai plus fondant arrivera au niveau du feu, elle aura besoin d'une très petite quantité d'énergie pour fondre. Avec un four bien réglé, on peut obtenir autant de métal que de volume de charbon. Autrement dit, on peut transformer une branche d'arbre en une barre de fer. L'autre point important est la qualité de ce fer. C'est pour cela qu'on ajoute des fondants. La plupart du temps, ce sont des pierres calcaires, vulgairement du plâtre. Cette pierre beige permet de rendre bien liquides les roches du minerai. Elle permet aussi de protéger les gouttes de fer qui vont tomber dans la cuve. Comme ces gouttes de fer, en tombant, vont contrer le souffle d'air qui monte, il ne faut pas que le fer chaud et nu touche l'oxygène, car sinon, le fer va se transformer en rouille et ensuite donner un fer de très mauvaise qualité. C'est pour cela que les fondants transforment la roche, accompagnant le fer en une sorte de verre qui va se mettre autour de la goutte et qui va la protéger du contact avec le souffle montant. Une fois qu'elle aura atterri dans le bain de métal, le fer étant plus lourd, il va tomber au fond de la cuve, alors que sa protection en verre va revenir flotter à la surface. Comme l'huile se sépare de l'eau dans une bouteille. Après quelques heures, pendant lesquelles le surplus de déchets flottants, les scories, sera régulièrement enlevé, la cuve se remplira de fer liquide. Il sera temps de faire un trou et percer la base de la cuve pour que le métal liquide coule dans les moules. Mon four a une cuve de 100 litres, qui d'après mes calculs se serait remplie en 6 heures de temps. Sachant qu'un litre pèse 7 kg et que le four fonctionne 24 heures sur 24, je vous laisse imaginer ou calculer. Ça dépasse tous les rêves, même les plus ambitieux. Le 16 mai 2014, à midi, allumage du four. Cette fois, fort de l'expérience acquise un mois plus tôt, je réussis à faire une montée en température très lente. J'avais acheté du café, car pas question de dormir. Il y avait du travail en continu, de jour comme de nuit. Entre autres, colmater les petites fissures pour que l'air n'entre pas trop vite, charger le four avec le charbon et le minerai. Le jour J, le 18 mai, arriva. Et là, personne. Le minerai allait arriver au niveau du ventre et personne n'était là pour m'aider. Une expression dit qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Elle aurait pu être issue du travail dans les hauts fourneaux, où il faut des personnes qui chargent le four et d'autres qui s'occupent de faire entrer de l'air via le moulin, le tout simultanément. J'étais seule au milieu de la jungle. Impossible de laisser le four sans surveillance et de courir au village demander de l'aide. Assumons. Je me retrousse les manches pour cette longue nuit. J'ouvre progressivement les aérations. La température grimpe et tout se déroule parfaitement. Les premières gouttes de métal tombent dans la cuve alors que j'étais en train de faire la navette entre le haut et le bas du four. Quasiment tout le minerai prévu était chargé. 400 kg. De quoi obtenir au moins 100 kg de fer liquide. Après une grosse averse, un peu avant minuit, l'air est sec et froid, donc idéal. Je montais mon avant-dernier panier de charbon par la poulie. On pouvait déjà percevoir la chaleur énorme qui montait. Avant de verser ce panier de charbon, je regardais le niveau du charbon dans la cheminée, en me penchant pour voir à l'intérieur. Je constatais que tout était pour le mieux. D'un seul coup, je sentis mon corps m'abandonner. Je lâchai le panier de charbon. Mes jambes ne me supportaient plus et je n'y voyais plus rien. J'étais en train de tomber. C'est la sensation d'accélération, de vertige et d'angoisse que l'on ressent en l'air avant de toucher l'eau ou la neige. Là, ce qui m'attendait, c'était des rochers, 8 mètres plus bas. Voilà, c'est la fin. Je suis mort. J'attendis le dernier choc et la mort inéluctable. Après, rien. Quand je repris un peu conscience, je m'aperçus que je m'étais écroulé sur le petit rebord de 26 cm, longueur de mes pieds, qui me servait de promontoire circulaire pour verser les paniers. Impossible de dire ce qui s'est passé pendant ces quelques secondes ou minutes. Un coup de chance exceptionnel. J'irais presque jusqu'à dire miraculeux. Au niveau des probabilités, on pourrait comparer avec un jeu de pile ou face, où pour moi, pile les faces, était la mort. Mais la pièce est tombée sur la tranche. Incroyable. À moitié dans les vapes, je parvins à atteindre l'échelle. J'étais si faible que je ne réussis pas à descendre. Je glissais le long et m'écrasais sur le sol, 4 mètres plus bas. N'arrivant toujours pas à me lever, c'est en rampant que je rejoignis ma hutte. Je me couchais avec un mal de tête terrible. Je savais ce qui venait de se passer. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Le même qu'utilisent ces lâches qui se suicident en s'enfermant dans leur garage moteur allumé. Je dis bien ces lâches, car si on veut se donner la mort, autant le faire d'une façon utile. Par exemple, en allant ou venant avec moi construire d'autres hauts fourneaux en Afrique. Après, si vous voulez encore du monoxyde, il en aura à disposition. En me penchant pour regarder à l'intérieur de la cheminée, j'avais inhalé ce gaz sans m'en rendre compte. Pourtant, j'étais au courant de ce danger, et je l'avais sous-estimé. Il faisait l'objet de quelques lignes dans l'ouvrage de 1400 pages sur les hauts fourneaux. Il était d'ailleurs mentionné qu'il y eut de nombreux décès au niveau du chargement à cause de ce gaz. Malheureusement, n'ayant pas pris cette information à sa juste valeur, j'étais présentement couché sur ce lit sans pouvoir bouger. Même lever un bras m'était pénible. Depuis mon lit, je voyais l'entrée du four. La lumière blanche qui en sortait indiquait que ça chauffait fort et dur à l'intérieur. En regardant cette lumière sans pouvoir la rejoindre, je réfléchissais sur ma situation. Sans mon intervention, le four allait casser. Mais impossible de bouger. Mes jambes ne supportaient pas mon poids. Pourquoi étais-je seule? Pourquoi les villageois ne sont-ils pas venus? Mon impuissance face à la catastrophe qui se déroulait sous mes yeux me fit prendre une importante décision. Demain, je pars. Au bout de 2 heures, je tentais de me mettre debout, mais finalement c'est presque à 4 pattes que je suis allée jusqu'à l'entrée du four. Je fis tomber la porte de la cuve et je vis que tout se déroulait comme prévu. La cuve se remplissait d'une sorte de magma orange vif et de grosses gouttes étincelantes tombaient dedans. Un bain de métal liquide était en train de se former. Il aurait fallu racler la surface avec une sorte de râteau pour en faire sortir les déchets. Mais je n'en avais pas la force. J'abandonnais donc le four et je retournais me coucher. Pendant quelques instants, je fus en dépression. C'était la fin d'un projet auquel j'avais consacré 10 ans. Je me disais, les Africains ne sont pas prêts. Mais en poussant la réflexion, est-ce que les autres continents l'ont jamais été? Au vu du résultat, de ce qu'ils ont fait depuis 200 ans avec cette technologie, c'est sûr que non. En Afrique, on ne peut faire que mieux. Mais pourquoi les habitants ne sont-ils pas venus? Une seule personne aurait suffi. J'étais en colère contre le village. J'avais presque envie de prendre quelques affaires et de partir au lever du jour. Mais je ne suis pas un lâche. Et je veux savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ils sont venus travailler pendant 3 ans, et pourquoi le jour J, il n'y avait eu personne? C'était ma 4e nuit sans dormir, et pourtant je n'arrivais pas à trouver le sommeil. En regardant le four, la tête posée sur l'oreiller, je me disais que techniquement, ce projet était une grande réussite, mais que humainement, c'était un échec. Si j'avais la possibilité de construire un nouveau haut fourneau, je devais d'abord trouver d'autres humanistes. Le vilain petit canard devait trouver d'autres vilains petits canards avant de repartir. C'est avec cette pensée en tête que je partis au village chercher les réponses à ma question. Pourquoi n'y avait-il eu personne avec moi la nuit dernière? En arrivant au village, j'allais manger au restaurant de la mère Maquerelle. J'avais les larmes aux yeux en mangeant. Elle comprit vite qu'il y avait eu un problème. Surtout quand je lui dis que je partais. La famille du chef du village vint immédiatement aux nouvelles et ensemble nous allâmes à la maison de Karim. La mère de l'enfant qui était mort une semaine auparavant était revenue la veille. Son mari Karim, lui, avait disparu de la maison depuis 3 jours. Ne la voyant pas revenir, après l'enterrement, Karim avait pris sa moto pour aller la chercher. Mais sa femme ne l'avait pas croisée sur la route du retour. Nous espérions qu'il n'y avait pas eu d'accident. Nous étions un peu inquiets. Pour ma part, je leur expliquais que le four était cassé. Car comme il n'y avait eu personne pour m'aider à faire sortir le métal de la cuve, le fer était en train de se solidifier à l'intérieur et qu'il aurait fallu des mois pour le réparer. Ils connaissaient ma situation. Plus d'argent et une santé catastrophique qui ne m'aurait pas permis de passer la prochaine saison des pluies. Quand je leur ai dit que je partais, ils étaient tous tristes, mais ils voulaient comme moi savoir pourquoi Karim ne leur avait rien dit. Des personnes seraient venues, m'a-t-on dit, même sans être payées. En espérant le retour de Karim, nous partîmes avec tous ceux qui avaient travaillé sur gage pour qu'ils récupèrent leur dû. Le soir, tout mon matériel avait été distribué et je donnais le reste au chef du village. Puis je retournais au village où Karim était revenu. C'est la première fois que j'ai vu de la colère de la part de certains habitants vers lui. Ses explications étaient un peu vagues. Il était tombé en panne de moto, puis avait pris une autre route. C'est pour cela qu'il n'avait pas croisé sa femme. En ce qui concerne la fonderie, il avait oublié. En tout cas, il semblait très marqué par son voyage, et il est vrai qu'il était un peu au fond du trou. Plus d'argent et en deuil de sa fille. On peut lui trouver des excuses et reconnaître que sans lui, je n'aurais jamais pu construire le four. Il me semblait rester honnête. D'ailleurs, pendant la nuit, il a fait le maximum pour me rembourser l'argent qu'il me devait. Il a transféré sa dette en demandant du crédit à Amadou Boutique pour me permettre de voyager. J'ai ma part de responsabilité dans cet échec. Entre autres, j'aurais dû mieux apprendre la langue foulfoudée pour pouvoir communiquer directement. Mais c'est la mère Macrel qui corrobora mon opinion sur la cause principale de cette fin dramatique. Emmanuel. Elle me fit comprendre qu'il avait foutu la merde dans le village, surtout entre les femmes. L'orgueil et la vanité ont été un poison aussi puissant que l'alcool le fut pour leur mari. En plus d'avoir été le principal protagoniste de la mort d'une enfant, il avait aussi reporté de plusieurs années l'opportunité d'autonomie de l'Afrique et retardé l'apparition d'une nouvelle idéologie. Le lendemain, comme je ne pouvais plus marcher à cause de ma maladie au pied, je partis avec Abou Bakar en moto pour le Nigeria. Sans me retourner.